Chapitre 16. Les conseils de la fermière avant le départ. Les rivières de la Lorraine. Le souvenir de la terre natale. Que le souvenir de notre pays natal, uni à celui de nos parents, soit toujours vivant en nos cœurs. Pendant que la fermière Lorraine avait fait le beurre en compagnie de Julien, ses enfants avaient achevé leurs devoirs sous la direction d'André. La veuve les envoya tous jouer et se mit à préparer le souper. On fit une grande partie de bar, ce qui excita l'appétit de toute cette jeunesse. La friture et la salade parurent excellentes. Mais André et Julien, qui se ressentaient de leur course de nuit, trouvèrent bien meilleur encore le bon lit que la fermière leur avait préparé. Ils dormirent d'un seul somme jusqu'au lendemain. Ils auraient dormi plus longtemps sans doute si la fermière n'avait pris soin de les éveiller. « Levez-vous, enfant, je connais à 2 heures d'ici un cultivateur qui va chaque semaine à Épinal. » Il vous prendra dans sa voiture si vous allez le trouver assez matin. » Julien et André sortirent du lit. Quoiqu'il leur semblât n'avoir pas dormi la moitié de leur comptant, ils ne se le firent pas dire deux fois et s'habillèrent à la hâte. Ils se lavèrent à grande eau le visage et les mains, ce qui acheva de les éveiller et de les rendre dispos. Puis ils firent leur prière tous deux et poliment allèrent dire bonjour à la fermière. Elle leur mit à chacun une écuelle de soupe de lait entre les mains. Ils eurent bientôt mangé, et au bout de peu de temps, ils étaient prêts à partir, tenant leur paquet de vêtements et leurs bâtons. Tous deux, avant de se mettre en route, allèrent remercier la fermière, qui les avait traités comme ses enfants. « Mes amis, leur répondit-elle, si j'ai eu plaisir à vous aider, c'est que vous m'avez paru digne d'intérêt par vos bonnes qualités. Si vous continuez à être de braves enfants, désireux de travailler et de rendre service pour service, vous trouverez de l'aide partout. » Car on aime à secourir ceux qui en sont dignes, tandis qu'on craint d'obliger ceux qui pourraient devenir une charge par leur indolence. » En achevant ces paroles, elle embrassa les enfants et tous deux, la remerciant, de nouveau s'élancèrent rapidement sur la route. Le soleil n'était pas encore levé, mais une jolie lueur rose empourprait les sommets arrondis des Vosges et annonçait qu'il allait bientôt paraître. La route, formant un défilé entre de hautes collines, suivaient tout le temps le bord de l'eau, et les petits oiseaux gazouillaient joyeusement sur les buissons de la rivière. Nos jeunes voyageurs étaient ravis du beau temps qui s'annonçait, mais ils étaient plus satisfaits encore des bonnes paroles que la fermière leur avait dites au départ, et le petit Julien, qui trouvait en lui-même qu'il est bien facile d'être reconnaissant, s'étonnait qu'on leur en sût tant de gré. Il marchait gaiement, tenant André par la main, et sautant de temps à autre comme un petit pinson. « Où va donc, s'écria-t-il, cette jolie rivière qui coule tout le temps à côté de notre route, entre des rochers hauts comme des murailles ?»« Tu sais bien, Julien, que les petites rivières vont aux grandes, les grandes aux fleuves et les fleuves à la mer. »« Oui, mais je voudrais demander dans quel pays elle ira. »« Elle ira retrouver la Meurthe, qui se jette elle-même dans la Moselle. »« Tu te rappelles, Julien, quel pays arrose la Meurthe et la Moselle ?»« Oui, dit l'enfant, devenant triste soudain. »« Je sais que la Meurthe et la Moselle sont des rivières de la Lorraine. » La Moselle passe en Alsace, Lorraine, où nous sommes nés, où nous n'irons plus et où notre père est resté pour toujours. » Et le petit garçon semblait réfléchir. Tout à coup, il quitta la main d'André. Il avait vu dans l'herbe les jolies clochettes d'une fleur d'automne. Il en fit un bouquet, le lia avec de l'herbe et le jetant avec un doux sourire dans l'eau limpide de la rivière. « Peut-être s'en ira-t-il jusque là-bas » André murmura doucement « Peut-être ». Et pris lui aussi d'un cher souvenir pour la terre natale, il détacha une branche de chêne et l'envoya rejoindre le bouquet de Julien. Puis ils continuèrent leur route, suivant de l'œil le bouquet et la branche qui descendait la rivière. Et sans rien dire, ils pensaient en leur cœur, « Petite fleur des Vosges, petite branche de chêne, va, cours, que les flots t'emportent vers la terre natale, comme un dernier adieu, comme une dernière couronne aux morts qui dorment dans ton sein. » Un défilé des Vosges. Un défilé est une vallée très étroite resserrée entre des rochers, ou des montagnes abruptes. Le plus souvent des torrents ou des ruisseaux coulent au fond des défilés.